De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL. Alors, j'accueille notre chroniqueuse Geneviève Gay qui va nous entretenir d'hypersensibilité environnementale. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Alors Geneviève, qu'est-ce que l'hypersensibilité environnementale? Bien, selon la Commission des droits de la personne, l'hypersensibilité environnementale va se manifester par différentes réactions à des produits chimiques, notamment aussi au rayonnement électromagnétique, à différents facteurs environnementaux. Ces réactions-là vont se produire à des niveaux d'exposition qui sont habituellement tolérés par la plupart des personnes. Autrement dit, les personnes hypersensibles seront plus capables de tolérer des substances ou des facteurs de la vie quotidienne lorsqu'ils sont exposés à des niveaux bien en dessous de ce qui est considéré comme acceptable par des gens normaux. Ce qui complique beaucoup le diagnostic et la reconnaissance de l'hypersensibilité environnementale, c'est qu'il n'y a pas de cause universelle, c'est vraiment du cas par cas. Uh-huh. Oui, donc il existe plusieurs formes d'hypersensibilité, puis les affections qui en résultent vont être tout aussi variées. On a juste à penser que les réactions d'hypersensibilité peuvent être déclenchées, bon, la liste est longue, là, par des produits parfumés, des produits de nettoyage, des détergents, des peintures, des produits dérivés du pétrole, la fumée de cigarettes, des pesticides, des animaux domestiques, des plantes, des solvants, des radiations électromagnétiques, des moisissures, de la nourriture ou des additifs, c'est ça. C'est vraiment très, très varié. Autrement dit, c'est des choses que, à petites doses ou à des doses normales, dont on établit des normes, on est capable d'endurer, on est capable de tolérer, c'est ça. Sauf que, bon, pour certaines personnes, ces normes-là sont trop élevées. Uh-huh. Donc, l'hypersensibilité va arriver suite à une exposition massive à un élément ou encore après des mois ou des années d'exposition à un élément quelconque que j'ai mentionné tantôt, à des doses qui sont plus faibles, mais souvent en continu. Donc, les personnes hypersensibles peuvent réagir à un seul élément ou à plusieurs. Mais Geneviève, qu'est-ce qui se passe quand on devient hypersensible? Bien, selon l'Association pour la santé environnementale du Québec, les effets de l'hypersensibilité peuvent être dévastateurs. Ça prend, c'est des gens qui sont normaux, qui sont productifs, qui évoluent bien dans la société, souvent qui n'ont même jamais eu de problème de santé avant, qui vont devenir subitement ou graduellement intolérants à leur environnement, que ce soit au travail, à la maison, à l'école, à l'hôpital ou même simplement à l'extérieur en milieu urbain. Souvent, ces gens-là, mais ils vont endurer, justement, ils sont en bonne santé, naturellement. Ah, c'est donc, ça. Ces gens-là, ils vont se trouver comme soudainement fatigués. C'est vraiment des symptômes un peu sournois qu'on attribue à différentes causes, sauf celle-là. Donc, ils vont endurer ces manifestations-là pendant longtemps avant de consulter. Puis même quand ils vont le faire, ça va prendre du temps avant de trouver un médecin qui va pouvoir les diagnostiquer correctement. C'est que les symptômes vont être divers, puis ils sont pas spécifiques, puis ça diffère d'un individu à l'autre. Il y a même encore certains médecins qui vont croire que l'hypersensibilité est d'origine strictement psychologique, même si cette hypothèse-là a été rejetée depuis 1994. Mais est-ce que les autorités en matière de santé reconnaissent l'hypersensibilité? Bien, plus ou moins, en tout cas au Québec, c'est nébuleux. L'information, elle va être rare, souvent peu précise. Uh-huh. Moi, j'ai cherché des publications sur le sujet, là, sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux, puis sans succès. On va parler de vulnérabilité, de risques toxicologiques liés à l'environnement, mais on n'utilise jamais le terme hypersensibilité. On va mentionner que si une personne croit que la qualité de son environnement a un impact négatif sur sa santé, bien, cette personne-là, oui, doit consulter un médecin pour connaître les moyens de prévenir ou soigner son problème de santé. Ensuite de ça, la personne va devoir s'informer d'elle-même auprès de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la CSCHL, par exemple, donc, pour les questions d'ordre général ou technique sur l'habitation. Donc, les hypersensibles n'ont pas beaucoup de support? Non, vraiment pas. C'est dommage parce que l'hypersensibilité environnementale est reconnue par la Commission canadienne des droits de la personne comme étant une condition médicale qui nécessite une attention et un suivi. Puis l'hypersensibilité électromagnétique, là, lignes d'hydro, puis Québec, de plus en plus, qu'on va voir de plus en plus au relais cellulaire. D'ailleurs, ma prochaine chronique, l'impression que je vais la faire là-dessus. Parce que des gens qui ont développé une hypersensibilité par rapport à ça. Oui, c'est de plus en plus. Puis ça prend, c'est parce que c'est des choses qui prennent du temps à prouver, à démontrer. Ouais. C'est pas quelque chose qui se teste en laboratoire en une ou deux semaines. Parce que ça résulte d'une exposition chronique, j'imagine, à long continue. Terme. Continue. Continue, on ça. Parle de continue. Des doses qui ne sont pas nécessairement élevées. Élevées, mais continue. Continue. Donc l'effet se fait sentir à long terme. C'est ça. On devient hypersensible suite à cela. Donc, au Canada, on dit que 3% des gens ont été diagnostiqués sont vraiment diagnostiqués hypersensibles. Officiellement, là. Oui, c'est 3%. Sauf, selon le National Health Institute des États-Unis, on dit plutôt que c'est 12% des gens qui sont hypersensibles à des doses de produits chimiques plus faibles que les normes établies. C'est quand même beaucoup, 12%. Oui. Comment est-ce que ces gens-là font-ils pour continuer à travailler, par exemple? Bien, quand l'hypersensibilité est due à l'environnement de travail, bien, les hypersensibles vont en arriver à plus être capables de travailler dans ces conditions-là, puis vont quitter leur emploi sans être compensés, parce que leur état n'est pas reconnu par la CSST. Donc, il y a des témoignages de plus en plus nombreux d'hypersensibles qui ont perdu leur emploi, qui tranquillement, pas vite, vont s'isoler socialement. Ils vont même sombrer dans la dépression, ils vont faire des tentatives de suicide. Il y a des témoignages de plus en plus nombreux à ce sujet-là. Pourtant, dans certains cas, ben, les modifications apportant à l'environnement de travail, on parle de travail, sont très simples. Uh-huh. Oui, comme améliorer la qualité de l'air, simplement en favorisant une meilleure aération, puis juste entretenir le système d'aération régulièrement. Des choses qui ne se font pas nécessairement tout le temps. Pour sauver de l'argent, peut-être? Ou simplement par négligence, parce qu'on ne pense pas. T'sais? Fait que des simples changements de comportement aussi vont donner des résultats positifs. Quelqu'un qui est allergique ou qui est hypersensible au parfum, ben si cette personne-là travaille dans un milieu où les liens sont plutôt serrés, cette personne-là elle manifeste son hypersensibilité, les gens peuvent collaborer simplement en ne portant plus de parfum. Oui, c'est fait. Hein. C'est des petits gestes comme ça. Sauf, si c'est des produits de nettoyage dans les toilettes qui causent... ça, on change pour des produits écologiques, etc. Donc, c'est souvent une question de collaboration, puis chacun doit être conscient que c'est important d'assainir son milieu. Malheureusement, les employeurs ne font pas souvent les efforts qu'il faut, faute de support financier ou simplement de connaissance, de reconnaissance de la maladie. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les causes de l'hypersensibilité environnementale proviennent de la maison? Ben, quand ça vient de chez soi, à ce moment-là, on constate que c'est surtout la qualité de l'air qui est en cause. Bien, certains hypersensibles vont être obligés de s'endetter vraiment beaucoup plus que normalement, même jusqu'à provoquer des faillites, c'est ce qui est très triste, afin de s'offrir un milieu de vie qui est sain. Le magazine La Maison du 21e siècle a souvent abordé cette question-là, puis mentionne régulièrement des façons d'assainir son chez-soi et est très à jour sur le dossier. Les lois canadiennes, de leur côté, ils n'imposent pas de normes de construction qui permettraient de protéger les hypersensibles dès la construction ou la rénovation. Donc, en ce sens-là, le code de la construction est déficient. On ne tient pas vraiment compte des mesures qui vont influencer la qualité de l'environnement intérieur, comme par exemple le choix des matériaux ou le temps que ça prend pour que les gaz toxiques qui sont contenus dans ces matériaux neufs-là puissent s'échapper. C'est que, oui, on prend, mettons, une planche de mélamine. Cette planche-là va respecter séparément, isolément, va respecter les normes en matière d'émissions de COV, de composants organiques volatiles. Mais quand un autre produit qui dégage aussi des substances toxiques, si tu les mets toutes ensemble, ça dépasse la norme. C'est ça, parce que les tests sont faits sur les choses individuellement, jamais sur des ensembles. Et non un ensemble. Donc, quand on les met tous ensemble, ces matériaux-là vont émaner leur toxicité dans l'air, puis ça peut créer une genre de soupe toxique. Oui, ça peut s'additionner et même des fois se multiplier. Là, ça peut être potentialisateur des effets. Et voilà, puis il y a certaines personnes justement qui vont se déclarer hypersensibles suite à des expositions comme ça. Ce qui fait que les maisons neuves, souvent, ne sont pas saines du tout. Ça prend un certain temps pour une maison à dégager tout ce qui serait là de toxique en elle. Ah, fait que si la maison du 21e siècle, justement, le magazine, il cite de nombreux exemples de gens qui sont devenus hypersensibles simplement après avoir aménagé trop tôt dans leur maison neuve ou rénovée là, de façon plus intensive avec des matériaux qui ne sont pas nécessairement sains. Et les hypersensibles diagnostiqués, où est-ce qu'ils habitent, eux? Bien, eux autres, ils ont des besoins spécifiques qui sont propres à chaque individu, ce qui fait que les logements doivent être adaptés à leurs conditions. Ça peut engendrer des coûts parfois énormes, dépendant des adaptations qu'il faut faire. Depuis 1990, la CHL est consciente de ce problème-là, puis est consciente aussi de l'importance de fournir aux hypersensibles un milieu qui est sain. Depuis 2006, la SCHL a effectué des recherches par le biais d'une maison de recherche dont l'air est exempt de poussière, de moisissure, de pollen, de vapeur chimique. Un peu comme une salle d'opération, quoi. Oui, c'est ça. Ils font des tests là-dessus, puis ils se rendent compte que cette maison-là va être conçue pour démontrer qu'on peut créer de manière abordable un milieu qui est intérieur, qui est sain. Donc, on dit que cette maison-là va offrir des caractéristiques qui intéressent tout particulièrement les hypersensibles. Puis quiconque soucie de la qualité de l'air en général devrait s'intéresser à cette maison-là. Il y a les plans sur le site de la SCHL, il y a les plans de cette maison-là et c'est vraiment quand même très, très bien fait. N'importe qui peut prendre ces plans-là et l'adapter chez soi. Là. C'est quand même très bien fait pour ça. Et est-ce que le fait d'éliminer les causes responsables de l'hypersensibilité suffit pour que les gens atteints soient guéris? Ben, pas toujours. Dans les cas les plus sévères, même dans tous les cas, en général, il y a une période de sevrage qui peut être nécessaire pour permettre aux hypersensibles de se refaire une santé. Sont intoxiqués. Ça a été long avant de se développer, mais c'est aussi long avant de se la passer. C'est ça. Donc, sont vraiment intoxiqués. Là. Donc, il faut qu'ils se... détoxifient. Tout ça. Okay. Se retrouvent dans un milieu très, très, très sain pour une période X. Ça varie selon les individus. Il y a une clinique à Halifax qui soigne les cas les plus chroniques. À date, je pense, depuis son existence, ça fait 10-12 ans qu'elle existe, ils en ont soigné 2500 environ. Mais ça peut prendre des années avant que la sensibilité s'atténue chez les gens. Puis, bon... pour que finalement ces gens-là puissent vivre une vie qui est plus normale. Et quelles sont les avenues maintenant, en fait, en matière d'hypersensibilité environnementale? Bien, en ce moment, on assiste à une reconnaissance croissante de l'hypersensibilité environnementale. Sauf que, bon, les autorités environnementales, gouvernementales en matière de santé publique, hésitent encore à reconnaître cette maladie-là parce qu'il y a encore beaucoup trop de questions qui n'ont pas été répondues, notamment par rapport aux causes, aux mécanismes, aux tests de diagnostic et aux stratégies de traitement. Donc, puis à l'heure actuelle, on note encore qu'il est difficile de mettre en pratique un processus de suivi des gens hypersensibles. Certaines provinces, comme l'Ontario ou la Nouvelle-Écosse, ben, eux ont déjà reconnu les affections liées à l'hypersensibilité environnementale. Ce que ça fait, c'est qu'ils ont créé des financements de programmes, des établissements de soins de santé, justement, cliniques, pour venir en aide à ces gens-là, les supporter, ce qui est une des plus graves lacunes au Québec. Ils ont construit des logements ultra-sains qui sont destinés aux hypersensibles et ils vont même accorder des subventions pour rénover des résidences. Donc, les gens là-bas ont un appui, ont de l'aide. Du côté médical, on reconnaît de plus en plus l'hypersensibilité environnementale dans le cadre de l'enseignement. Donc, les nouveaux médecins vont être formés, ils vont être habilités à reconnaître et à diagnostiquer cette maladie-là. Du côté politique, au Québec notamment, ben, on adopte des mesures contre l'utilisation des parfums, des produits nettoyants toxiques. Et on milite de plus en plus en faveur de politiques puis de lois comme sur le tabagisme, la marche au ralenti des véhicules et les pesticides. Donc, ça va lentement. Probablement beaucoup trop lentement aux yeux des gens qui en souffrent, des hypersensibilités, mais ça l'avance. C'est, dans le fond, c'est de répondre aux questions qui n'ont pas encore été répondues, puis ça prend du temps, parce que c'est des maladies, comme je disais, qui sont longues à évoluer. Donc, les tests qu'on fait là-dessus pour prouver que telle cause est responsable de l'hypersensibilité, ça prend du temps aussi. Donc, c'est une question de temps, là. Alors, merci Geneviève Gué pour cette chronique des plus intéressantes. Alors, nous allons faire une courte pause publicitaire et je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Futur Simple, l'antenne de CKRL 89,1.